Alors pour les trucs astuces de ce mois-ci, on va faire suite à un mail qui nous a été envoyé par Charles sur notre site. Il nous parlait en fait d'une section PVP, nous demandait si effectivement ce serait pas bien d'intégrer une petite section PVP au podcast. Mais c'est vrai qu'on en a déjà un peu parlé quelques fois. On a voulu faire une petite section, mais il n'y avait pas forcément de demande. Donc on va faire un petit guide du débutant en PVP en quelque sorte. Bon, plutôt comment bien s'équiper en PVP. Quand on arrive au niveau 80, comment éviter de se faire poutrer en 2 secondes en BG par exemple. Et voilà, puis après dites-nous à vous si vous voulez également une petite section PVP dans le podcast, si vous êtes nombreux à nous le demander, ben dans ce cas-là, on fera une petite section à part, on l'intégrera aux chroniques habituelles. Alors, bon, on va forcément se mettre. Je vais poser mes questions à Circle, hein, parce que Circle c'est notre grand PVPiste dans le podcast. Voilà, PVPiste qui rime avec pigiste. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça, mais c'est pas grave. Alors, donc Circle, j'arrive au niveau 80. Je vais me lancer dans le PVP. Donc j'ai déjà fait un peu de PVP entre le niveau, on va dire, 70 et 80. Mais bon, on m'a parlé de résilience. Et est-ce que la résilience est vraiment déjà une stat très importante en PVP, ou vaut mieux peut-être favoriser l'endurance ou le critique des sorts ou la puissance d'attaque, par exemple? Alors attends, je vais trier toutes tes questions. Non, bah en fait, pour commencer de base, vraiment, si vous voulez commencer le PVP, que vous êtes 80 depuis déjà un moment, que vous faites que du PVE et que vous voulez vous lancer dans le 80, et que vous voulez vous lancer dans le PVP, si vous savez déjà jouer votre personnage en PVE, vous allez être avantagé par rapport à une chose, c'est que bah vous savez le jouer. Voilà, c'est tout bête parce que le PVP c'est pas plus dur que le PVE, c'est différent. Mais ça demande aussi d'être réactif et tout. Alors, il vient une question de stuff, de résilience, tout ça. Vous pouvez très bien commencer, et de toute façon, vous pouvez faire que ça, c'est-à-dire commencer du PVP avec un stuff qui n'est pas orienté uniquement PVP, donc avec du stuff que vous aurez looté n'importe où. Par contre, faut pas vous étonner de vous faire éclater la tête. Ça, c'est normal. Je pense que c'est normal parce qu'ils ont changé ça il y a pas longtemps. Ils ont doublé les valeurs de résilience en fait par rapport aux réductions de critiques et tout. Donc, je vous conseille de vous orienter quand même dans votre jeu au niveau PVP, c'est-à-dire pas seulement quand vous faites des sessions PVP, mais aussi dans l'acquisition d'un équipement. C'est-à-dire, il y a plusieurs voies d'acquisition d'équipement. La première et la plus facile étant l'acquisition d'équipements en faisant des BG, en emmagasinant des emblèmes de triomphe ou de givre, ce qui vous permet d'échanger du stuff sans avoir besoin de cote ou quoi que ce soit envers des vendeurs qui se trouvent dans votre ville. Ou à Dalaran, soit vous allez rester bloqué à un moment donné. Que vous jouiez bien ou pas, vous serez en dessous si vous gardez un équipement PVE. Ensuite, il vient une question aussi de mentalité. Le PVP, vous allez faire face non plus à des boss contre qui des strats fonctionnent bien, de toute façon si vous les appliquez. Vous allez avoir affaire à des gens qui jouent donc avec un cerveau, qui vont avoir des réactions toutes différentes suivant la personne que vous avez en face. Et il va vous falloir donc vous adapter, apprendre à perdre, apprendre à perdre même salement, c'est-à-dire vous faire camper, vous faire tuer comme une grosse bouse, hein, ça arrive à tout le monde, et à ne pas perdre l'envie. C'est-à-dire parce qu'il arrive toujours un moment où on est un peu dans l'impasse, on se fait rétamer par tout le monde parce qu'on n'a peut-être pas pigé un truc. Et il ne faut pas avoir peur de demander à ceux qui jouent mieux, à ceux qui sont habitués, simplement pour vous améliorer. Tu peux intervenir ? Oui. Je voulais rebondir sur le fait que tu disais qu'il faut apprendre à perdre, et même salement, comme tu dis, effectivement. Je dois dire que moi, j'avais arrêté le PVP déjà parce que je faisais du PVP toute seule et pas avec des gens que je connaissais. Donc si j'en avais fait avec toi, ça serait sûrement passé autrement. Mais je dois dire qu'en fait, le PVP, ça m'a rendu au final, même si j'en ai fait beaucoup pendant un moment, assez rageuse. Et finalement, tout le monde ne réagit pas comme moi, mais ben, je suis extrêmement mauvaise perdante en PVP. Ça me rend carrément aigrie. Le môme qu'on voit dans une vidéo éclater son clavier, c'était limite moi, quoi. Et c'est là que le PVP, ça devient naze. C'est vraiment dans ces travers-là qu'il ne faut pas tomber, qu'il faut que ça reste... Ouais. Drôle comme au PVE, quoi. Et je sais que toi, tu y arrives très très bien. Donc, alors, attention. J'y arrive bien, c'est comment pas forcément vrai, en fait. Demande à la table. Je vais parler de ça. Voilà. je vais parler de ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus. Enfin, le 10 mai, je peux analyser ça parce que je fais que ça à l'heure actuelle, vraiment par phase. Il y a la phase où on découvre ça, où c'est marrant. D'accord ? Où on va perdre, mais c'est pas grave. On va pas être content de perdre, mais bon, c'est le jeu et on le sait. Il y a le passage où on va vraiment se prendre au jeu, c'est-à-dire vraiment se considérer qu'on est bon, pas comprendre pourquoi on perd, etc., etc. Et on va commencer aussi justement à rager. Tout le monde, tout le monde. J'en connais pas qui ne rage pas. Et pourtant, Dieu sait que j'en fais et que j'ai connu énormément de monde là-dedans et que tout le monde, d'un principe à perdre, suivant contre qui, suivant si la personne en face, en plus, vous fait des émotes à la con, hein, et pour dire j'y arrive bien. Mais je viens seulement un petit peu de comprendre, donc je vais vous l'expliquer, hein. J'ai une table derrière moi qui est en quatre morceaux. C'était mon ancien bureau. Ah. Donc pour dire, hein, j'ai éclaté une table. Mon pote qui joue avec moi a éclaté son clavier G15. Donc, et pourtant, on est habitué. C'est simplement parce qu'on va être confronté non pas simplement à la perte, à la défaite, mais aussi à la mentalité des gens. Et beaucoup plus dans le PVP que dans le PVE. Et pourtant, dans le PVE, il y a aussi des kékés, je dis pas. Mais là, c'est vrai que les gens vont avoir soit beaucoup trop de fierté, soit vont être simplement attaqués en traître, etc. Enfin, il y a plein de trucs qui viennent s'ajouter au fait que c'est marrant, mais il y a plein de passages qui sont pas marrants du tout. Et là, c'est à ce moment-là où il faut se dire, attends, attends, attends. On redescend, c'est un jeu. Il faut simplement pas rentrer dans ce jeu-là, dans le jeu de rager et tout. Il faut rentrer dans le jeu, c'est le jeu. Si nous, par exemple, on fait du PvP sauvage, admettons, hein, je parle pas des BG ou des arènes, hein. On fait du PvP sauvage, on arrive, on casse la figure à des gars, ils arrivent en surnombre pour nous éclater. Bah, si on perd, c'est en même temps normal. Il faudra pas rager en disant, ouais, ils sont plus, hein, c'est pas possible. Bah ouais, ils ont le droit en même temps. Il n'y a pas de limite. Donc, c'est là où il faudra simplement après s'organiser sur un groupe, soit simplement aussi apprendre à faire des pauses par rapport à ça pour éviter de trop partir dans l'énervement extrême parce que j'en ai vu d'autres quasiment arrêter de jouer à cause de ça. Et je trouve que c'est pas la bonne solution. Voilà, on sait par exemple à quel point le camping peut avoir des effets dévastateurs sur le moral. Voilà, donc le camping, après, quand il est fait à trop forte dose, ça peut devenir interdit quand ça passe au niveau ganking, comme on en parlait il y a trois épisodes, je crois, en parlant de ça, justement, où ça, c'est interdit quand c'est vraiment déloyal, etc. Mais bon, après, quand on va chercher le PVP, bah, il vient à nous et bah, souvent, on a les retombées qui vont avec. Mais bon, tout ça, c'est vraiment à prendre en considération. Si vous voulez vous amuser, il faut vraiment, vraiment vous forcer quasiment à des passages où vous allez vraiment rager. À rester dans l'optique jeu, l'optique amusement, en rire, vous amuser. Et par exemple, nous, on en arrive à avoir des gens sur qui on tape en face, qui sont des allianceux, d'accord, par exemple, mais avec qui on s'entend très bien. Et certains sont même venus, d'ailleurs, ont même transféré, changé de faction pour venir chez nous, parce qu'ils se sont rendus compte qu'on avait une mentalité qui était quand même pas mal développée par rapport à ça. Enfin bon. Donc je clôt ça pour l'instant. S'il y en a qui ont des questions par rapport à ça, ben, je suis ouvert. Hein. Mais on va passer par rapport à Ludo. Donc tu me demandais par rapport à la résilience, qu'est-ce qu'on peut prioriser? Ouais, quelles sont les stats à favoriser justement en PVP? Parce qu'a priori, c'est pas du tout pareil qu'en PVE. Voilà, alors tout dépend de votre classe. Par exemple, quand vous êtes une classe qui porte du tissu, voire du cuir, la résilience, donc le total de résilience, il n'y a pas forcément de cap, mais plus vous aurez de résilience, mieux c'est, parce que malgré l'armure ou surtout l'endurance qui vous sera donnée, qui est assez phénoménale chez certaines classes, qui vous donne 30 000 points de vie, quasiment plus pour certains, vous allez prendre plus cher parce que vous êtes du tissu ou du cuir. Mais votre KP résilience, par exemple, va se situer aux alentours des 1100, voire 2000, par exemple. Ce qui est quand même assez haut, mais vous pouvez atteindre très facilement en vous équipant complètement de stuff JCJ. Par exemple, pour les autres classes, comme les guerriers ou les chasseurs, puisque j'en joue, moi, je ne dépasse pas les 1000 de résilience, par exemple. J'en ai pas besoin, parce que je priorise plus l'attaque, donc les bonus d'attaque. C'est vraiment selon votre jeu. Si vous êtes une classe, si vous êtes une classe qui est censée ne pas forcément se prendre énormément de dégâts, puisque il y a des gars en plaque ou des gens qui sont là pour vous assister, et vous êtes plus une classe qui est censée donner du dégât, vous pouvez et puis que vous jouez comme ça simplement, que vous avez plus envie de donner du dégât plutôt que de moins recevoir. Bah, vous pouvez vous équiper, vous sertir plus en attaque, en agilité, suivant quelle stat sera augmentée, suivant comment vous sertissez. Ça, c'est comme le PvE, puisque si moi je sertis agile dans le PvE, je vais être plus puissant. Ça va être pareil pour le JCJ. Simplement, il faut trouver une bonne balance et ne pas hésiter à demander. À la rigueur, on peut ouvrir un topic JCJ sur le forum où il y aura des questions-réponses si vous voulez. Mais je pense qu'on peut revenir sur les classes pendant les chroniques sur les classes. On peut revenir au JCJ, ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense que c'est vraiment par rapport à votre jeu que vous Et devez vous équiper. mais quand même, pour commencer, vaut mieux viser les stats résilience, endurance pour maximiser sa survivabilité. Survive, Bah oui, ouais. puisque l'équipement à l'heure actuelle, le seul et bon équipement que vous allez attraper, de toute façon qui est facile à attraper, c'est le 7. Hein, c'est le 7 et le hors 7 qui sont disponibles tous au même endroit, quasiment, sauf à Dalaran. C'est le stuff de gladiateur. Il y a Ok. le stuff de gladiateur furieux, par exemple, qui à l'heure actuelle est disponible avec des emblèmes de triomphe. C'est très très rapidement équipé, qui est pas mal. Maintenant, c'est clair qu'il est 2 tons en dessous du nouveau stuff, mais c'est pas mal. Et il aura de toute façon de base de la résilience, les stats qui vous vont, de l'endurance. Moi, j'arrivais tout à fait à atteindre 25, 26 000 points de vie avec l'équipement gladiateur furieux. Et ensuite, c'est simplement les bijoux qui vont faire la différence. Il y a des bijoux qui vont favoriser votre puissance d'attaque, des bijoux qui vont favoriser votre hâte ou quoi que ce soit. Il y a des bijoux qui vont favoriser votre toucher, puisque certains doivent quand même avoir un certain nombre de touchés ou une pénétration d'armure, et d'autres qui vont favoriser votre résilience ou votre endurance, par exemple, que ce soit les bagues ou les bijoux eux-mêmes. Comme j'avais dit précédemment lors de ma petite explication, mon petit guide pour bien se faire de l'équipement, il y a toujours le joug où il y a pas mal de hors-sets qui est disponible assez facilement et qui est très très bien, qui est de qualité courroucée. Qualité, pardon, qui est de qualité stuff implacable, qui est très bien. C'est-à-dire? C'est-à-dire la saison précédente, qui était très dure à avoir et qui maintenant ben, est très facile à obtenir. Donc c'est du très bon, très très bon équipement. Et ensuite, l'équipement viendra au fur et à mesure de suivant ce que vous voulez faire. Si vous voulez juste faire du PvP sauvage ou du BG, pour l'instant, les BG ne donnent pas accès au meilleur équipement, ça sera changé à l'avenir, surtout à Cataclysme d'ailleurs. Mais vous aurez tout à fait de l'équipement qui est très très bien. Par contre, ce ne sera pas le meilleur. Et c'est clair que quand en face vous aurez quelqu'un qui a l'équipement complet un ton en dessus, vous prendrez cher. Mais ensuite, il faut vous stabiliser avec votre type d'équipement une fois que vous êtes équipé complet en JCJ et réapprendre quasiment à jouer, puisque vous ferez peut-être moins mal, vous tirerez moins vite ou vous ferez des incantations moins vite. Par contre, vous ferez plus mal, vous prendrez moins cher, vous aurez plus de capacité à faire des CC, à faire d'autres choses. C'est vraiment suivant votre classe. Et il faut aussi apprendre votre rôle. Par exemple, je ne sais pas moi, un prêtre d'ici, par exemple, puisque Ludo, je crois que tu es spé d'ici. Tout à fait. Voilà, il faudra voir si tu veux te spécialiser dans le heal de combat, par exemple, ou dans l'assistance au heal s'il y a un autre heal. Tu vois, il faut vraiment voir comment tu veux la jouer, mais tu pourras pas forcément jouer que au fear ou au dot ou aux flammes sacrées, par exemple. Tu vois, ce sera vraiment spécialisé dans le heal. Donc, Bien il sûr. faudra voir qu'est-ce qui va de mieux. Donc, peut-être la puissance des sorts, le toucher des sorts, je ne sais pas. Voilà, j'ai par exemple le chasseur. Il y en a qui préfèrent s'équiper et se sertir endurance et résilience. Donc, ça va être des bêtes quasiment avec des points de vie d'un guerrier, mais qui vont mettre moins cher. Qui vont prendre moins cher, mais mettre moins cher. Donc, Excuse-moi, j'ai une question. T'as parlé de toucher, je croyais que le toucher marchait pas en PvP. ah, si, contre les autres joueurs, bien sûr. Bien sûr que si. En tout cas, pour la classe chasseur, oui. On est obligé parce que sur certaines classes qui bénéficient de plus d'esquive, de plus de parade ou quoi, par exemple, on est obligé d'avoir du toucher. Parce qu'il y a aussi dans le toucher, par exemple, chez moi, ça augmente ma pénétration d'armure, ce qui est très important, puisque la résilience diminue la pénétration d'armure en face, il faut augmenter le toucher. Pas énormément, le KP touché, par exemple, chez les chasseurs, est 2 fois moins haut qu'en PvE, pour le PvP. Ah bah je me demande bien quel crétin qui m'avait dit qu'on n'en avait pas besoin. Avant, on n'en avait pas besoin, je crois. Je crois qu'avant, il n'y en avait pas besoin, effectivement. Ah c'est que je suis pas up to date. Ouais, je pense que t'es pas tout petit. Et de toute façon, quand tu commences le PVP, je crois que t'as un malus au toucher déjà. Tu touches beaucoup moins que les joueurs, que les monstres, non? Ah oui, non, oui, bien sûr. Mais même les monstres, hein. Donc tout à l'heure, tu nous parlais du set gladiateur, et qu'en est-il du set qu'on peut faire, par exemple, en forge, en travail du cuir et en couture? Donc c'est un set bleu, au niveau apparemment, a priori 75-80, je crois, qui apporte pas mal de Ouais. résilience et d'endurance. Est-ce que celui-là est viable pour commencer le PVP ou on oublie? Ça dépend. Si vous venez d'arriver 80, que vous n'avez pas d'équipement PVE, pas de bon équipement, je parle du T9 et du T10 par exemple, ou du hors-set, ça vous servira peut-être à avoir un petit peu plus de stats. Par contre, si vous avez de l'équipement PVE de bonne qualité, donc T9, T10, vous pouvez y aller en PVE. Je vous déconseille de faire le stuff bleu parce qu'il est vraiment en dessous. Vous avez vraiment beaucoup moins de stats qui sont EP, c'est vraiment pas assez bon. En dessous du niveau 80, on peut dire qu'il est intéressant, mais pas au niveau 80. Voilà, si vous faites D'accord. déjà des BG avant 80 et que vous n'avez pas dans l'optique de faire de l'équipement PVE, ouais, à ce moment-là, vous pouvez vous faire cet équipement. Mais je vous conseille de bien garder les emblèmes de triomphe si vous faites que ça, car le stuff furieux, qui est quand même un bon équipement, est disponible, comme je l'avais dit, via les emblèmes de triomphe. D'accord. Selon toi, quel est le meilleur moyen pour s'équiper rapidement? Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit favoriser les arènes, les BG ou par exemple le jeu d'hiver? Alors, les arènes, par exemple, les arènes, vous pouvez en faire. Je vous garantis que simplement, vous allez monter, ouais, on va dire facilement, peut-être pas, mais assez rapidement jusqu'à 1000 points de cote. D'accord? Puisque normalement, jusqu'à 1000 points, on ne perd pas de points quand on perd. On ne peut que en gagner quand on gagne. Ça vous fera toujours, en guillemets, des points d'arène à emmagasiner, en fait, à fin de semaine. Mais franchement, vous allez arriver à 1000 points. Vous allez rencontrer des gars qui ont entre 1000 et 1200 points de code d'arène qui ont peut-être du meilleur stuff. Vous allez vous faire rétamer, sauf si vous jouez excellemment bien. Je sais pas, mais franchement, commencer directement par les arènes, c'est pas un bon conseil. Ça peut entraîner si vous voulez garder la même composition d'arène, la même équipe toujours. Ouais, peut-être ça vous apprend à jouer ensemble. Mais moi, je vous conseille de simplement commencer par faire des joues d'hiver, des BG pour emmagasiner des points d'honneur et des marques, par exemple pour le jeu, hein. Oui. Et ensuite, pouvoir échanger contre de l'équipement, c'est très rapide à monter, hein. Les points d'honneur, si vous faites des BG et du joug, plus les quêtes journalières qui sont très faciles à faire, c'est bon, vous allez emmagasiner ça très rapidement. Vous aurez une pièce limite. Si vous jouez, bon, quand même des no lives, vous aurez une pièce par jour très facilement. Sinon, une pièce tous les 2-3 jours. Puis c'est vrai qu'au jeu, il y a pas mal de quêtes qu'on peut faire chaque jour et qui rapportent bien en Pas tous beau. les jours, Ah, c'est c'est pas tous les toutes les jours? semaines. Ah, Toutes les semaines ou tous les 5 jours, je suis plus tout à fait sûr, je regarde quand il faut jamais tuer ça. la faction adverse et tout ça, les chars, les Voilà, trucs. Okay. ramasser des carquois d'os, etc. Ça, c'est pas tous les jours. Et sinon, je serais à 75 000 points Ah, tous les jours, moi. ok, bah sinon, en tout cas, ça rapporte bien, j'ai Oui, remarqué. ça rapporte énormément de points quand on fait les quêtes du jeu, puisqu'il y a quatre quêtes qui rapportent 3 700 points d'honneur. Donc vous faites le compte, ça fait déjà pas mal de points. Ensuite, n'oubliez pas le hors-set qui est disponible chez les maîtres de guerre de votre ville, par Donc, exemple Dalaran ou Orgrimmar, Hurlevent. Hurlevent. Non, non, Dalaran, Orgrimmar ou non. Hurlevent. Ah, pardon. Voilà. Et Dalaran pour les emblèmes de triomphe, par exemple, ou les emblèmes de givre. Mais le jeu est très bien parce que vous pouvez emmagasiner des marques, comme je disais. Il y a du hors-set qui est très très bien, qui est vraiment pas dégueu du tout. Et sinon, bah, les BG. Et je vous conseille, ouais, de vous habituer vraiment à jouer une spécialisation. Et là, on passe par exemple à la spécialisation. La spécialisation, c'est assez important, mais il faut pas vous braquer dans une spécialisation et de la garder tout le temps en vous disant je vais garder que celle-là, parce que les spécialisations qui sont bien quand on est moins équipé, et ensuite peut-être d'autres sont plus viables, et suivant avec qui on joue aussi. Par exemple, les mages ont la spécialisation glace, qui est une SPCC, une spécialisation contrôle, où on peut geler la personne, où on peut se TP souvent, on peut faire le glaçon, nanani, nanana. Je le sais puisque je déteste ça. Non, c'est très bien, par exemple. Par contre, on va peut-être faire moins de dégâts qu'une spé feu ou une spé arcane. Vous Je voyez? pense qu'il faut aussi pouvoir changer sa spé en fonction des up et des nerfs, non? Aussi, ça, faut toujours rester raccord par rapport au up et nerf des classes et des spécialisations. Mais je vous voilà, par exemple, moi, au début, je jouais en spé précision uniquement, parce que j'avais encore de l'équipement un peu plus bas, mixé avec de l'équipement PVE. Donc par rapport aux augmentations de stats, c'était mieux d'être spé précision. Et depuis, en fait, bon, j'ai deux spé, hein. J'ai une spé précision et une spé survie PVP. Et en fait, je m'adapte, par exemple. J'ai une spécialisation qui est mieux pour faire du BG ou du PVP sauvage. Et une autre qui est mieux pour faire de l'arène ou des duels, admettons. C'est un exemple. Et il faut vous habituer à jouer vos spé, comme ça. Voilà. Et les évoluer suivant ce que vous faites. Mais j'ai l'impression aussi qu'en PVP, la spécialisation que tu choisis, ça, vraiment aussi, ça dépend de ton style de jeu. Parce que là où en PvE, t'as plusieurs, enfin, t'as plutôt une spécialisation pour un type de classe et spécialisation, en PvE, c'est plus vraiment comment tu joues, non? Tu dois vraiment l'adapter à ta façon de jouer. Voilà, toujours. Voilà, c'est vraiment votre habitude à jouer. Par exemple, voilà, si vous faites une spécialisation qui est vouée à plus maîtriser la cible, maîtriser l'adversaire, le faire du kiting, lui faire du contrôle, le descendre lentement mais sûrement, bah, si vous aimez jouer comme ça, vous allez faire une spé en fonction de ça, suivant aussi votre classe. Si vous avez plutôt envie de faire énormément de dégâts très vite, peut-être vous allez prendre plus cher ou quoi, mais vous allez faire une spé en fonction de burst, de faire énormément de dégâts, etc. C'est vraiment selon votre fonction votre façon de jouer. Et ça, il faut vraiment vous dire que contre certaines classes, ça va faire des émules. Contre d'autres, vous allez totalement vous faire étamer parce que il y en a d'autres qui sont faites contre ça, entre guillemets. Par exemple, ben, je cite un druide heal, par exemple. Si vous faites une spé burst, par exemple, pour un chasseur, puis je suis chasseur, je suis désolé de donner énormément d'exemples de ça, mais bon, voilà, c'est la classe que je joue le plus. Bah moi, si je fais un burst contre un druide heal, un bon druide heal, je parle hein, de mon niveau, ça va rien faire. Le gars, il va se healer, tout ce qu'il va faire, il va perdre très peu de mana. Moi, je vais bouffer ma mana très vite et je vais me retrouver con parce qu'après, lui, il va me faire que simplement des petits éclats lunaires, des petites colères et bah, il va me descendre lentement. Et moi, bah, de toute façon, je vais perdre. Bon, en même temps, quel que soit l'aspect, je perds, moi, hein, contre un druide. De toute façon, les Mais druides, oui, c'est un mauvais exemple. druidil, ouais, c'est dur. Par contre, bah voilà, c'est si un prêtre, par exemple, aura plus de chance si bah, le gars a plus de mana, fait du drain mana, un prêtre ombre, par exemple, avec les dots, bah un druide aura beaucoup plus de mal contre lui. Ou tu fais Et que des etc. dispels, ça marche très bien, j'ai remarqué. Voilà, bah voilà, un paladin, peut-être, par exemple, aura plus de chance. C'est vraiment suivant la classe que vous avez en face aussi. Il n'y aura jamais une classe qui est uber contre toutes les autres classes. Il y a toujours des anti-classes et autres. Donc voilà, bah ça c'est un peu le tout. J'espère que vous avez un peu compris. Mais si vous commencez le PVP, le principal est vraiment la mentalité de jeu qu'il faut adopter assez rapidement. C'est vraiment viser le jeu et non pas les conflits personnels. Parce que ça, j'en connais actuellement, par exemple. C'est très très désobligeant, c'est chiant et ça sape souvent l'envie de jeu. Et il faut passer outre. Il faut vraiment se faire plaisir. C'est un nouveau type de jeu, le PVP sauvage, par exemple. Et on tombera de toute façon sur des abrutis comme sur des gens très sympas. Kérin Thor au hasard. Non, non, mais Kirin Tor, il y a des gens très sympas dans les deux factions, comme je l'ai dit, et il y a comme tout serveur, il y a des gens qui sont très désagréables et que personnellement, j'aurais en face, je leur mettrais des tartes. C'est comme ça. Alors perso, je trouvais une bonne solution pour justement ne pas s'énerver en PVP, c'est jouer une classe soigneur. Je regarde tout le monde s'énerver autour, toi t'es là tranquille, t'occupes de Ouh là soigner. là, bah alors ça, permets-moi de te contredire, parce que la classe soigneur, quand les gens vont se rendre compte que tu es soigneur du groupe, que tu vas te faire focaliser en premier et tu vas te faire rétamer le derrière tout le temps en premier, bah tu vas finir par rager. Ouais, bon, c'est vrai, pour l'instant, j'ai pas trop eu ça encore, donc. Voilà, donc c'est un truc qu'il faut te dire. On se fera tous, moi, ils voient Circle, ils sont habitués, je suis tout le temps là-bas, et puis personnellement, je pense que j'arrive à en rétamer pas mal. Donc, bah, les mecs, je sais, puisque j'ai des potes qui sont dans l'Alliance, qui me disent, ouais, quand ils vous voient, c'est focus Circle, focus le heal, focus Tel'Gah. On se fait prendre en focus, et c'est normal, mais bon, on le cherche, on le trouve. Hein. Alors donc pour résumer, donc si je veux commencer le PVP, déjà j'adopte une bonne et un bon comportement, hein, je prends sur moi quand je perds. Ouais, voilà, c'est ça, tu tends la joue droite. Je me prépare psychologiquement à sortir de mes gonds. Ensuite, je commence donc si je suis vraiment j'ai aucun équipement, donc je commence par l'équipement que je peux me faire par des métiers, donc forge, couture ou travailleur du cuir, si uniquement j'ai vraiment rien d'autre à me mettre. Sinon, je favorise l'équipement PVE T9, T10 qu'on peut récupérer via les emblèmes de triomphe. Et je commence surtout par du BG, par du BG ou du joug d'hiver avant de m'attaquer aux arènes, qui est plutôt l'élite du PVP, voilà, les arènes. Ouais, en fait, on peut, comme je disais, on peut monter au début facilement, mais après, ça devient quand même hard. Donc, vaut mieux prioriser un bon stuff de base pour entrer en arène. Oui, puis bon, vu qu'en arène on est en nombre limité, il faut d'autant plus maîtriser sa classe en fait. Voilà, que les autres la maîtrisent et que vous maîtrisiez le jeu de groupe, le jeu en équipe, ça c'est clair. Et comme Alors, on moi, avait j'ai déjà. envie de poser une petite question. Je voudrais savoir, par exemple, qu'est-ce que ça t'apporte de faire du PVP? Ça m'apporte un peu de changement. Parce que, ayant fait énormément de PvE dès le départ de WoW, et en ayant fait quand même passablement dans la seconde partie de BC, on se retrouve souvent, bah, on a vu que pas mal de gens pouvaient être, surtout les anciens, un peu déçus de la facilité peut-être qu'il y aurait en PvE. On va dire du côté rébarbatif, de toujours avoir les mêmes boss, etc. Et ce que ça m'apporte, en fait, c'est un peu le changement, justement, un autre type de jeu. Quelque part, c'est un peu une Certes. alternative au PvE, c'est ça? Oui, et c'est même une alternative au PvP rangé, c'est-à-dire le PvP où on ne fait que des BG, où on ne fait que de l'arène, par exemple. Le PvP où on ajoute le PvP sauvage, les raids sur les capitales, je veux dire, simplement, ouais, le combat, moi, par exemple, à Elwynn, on se tape dessus à Elwynn, ça change un petit peu, il y a toujours des nouvelles têtes, on se tape tout le temps, toujours, même des fois des barres, on rigole bien, on se met sur un TeamSpeak, etc. On peut toujours même innover. On innove, je veux dire, comme je disais, bah nous on fait souvent après un raid sur une ville, par exemple, on dit à tout le monde, on prend des rerolls, on a créé une guilde de rerolls qui s'appelle Tartagueule, on fait un petit show au YMCA où on danse tous avec nos tabards roses sur la place publique, on met de la musique sur le TeamSpeak général de Kirin'Thor, les gens viennent, on rigole, voilà, c'est une autre approche. Et même s'il y en a avec qui ça tisse des liens, des mauvais liens, où on s'engueule, où on s'aime pas, où on s'insulte peut-être, hein, ça peut aller jusque-là, il y en a plein d'autres avec qui ils se disent, bah en fait, putain, vous êtes sympa, c'est cool. Il y en a plein qui nous ont fait la réflexion et puis on rigole bien. Et c'est vraiment un autre jeu. On joue peut-être plus, c'est plus humain, je trouve. Puis de l'autre côté aussi, pour le côté, c'est encore plus casual le PVP que le PvE. Genre tu veux passer une soirée à t'amuser, enfin, non, genre tu veux passer une soirée à jouer à World of Warcraft. Si tu fais du PvE, ben là t'es sûr que tu vas en avoir pour 4 heures avec un raid. Si tu fais du PvP, ben t'arrêtes quand tu veux. Si tu veux que Voilà. tu aies champs de bataille, tu les fais. Généralement ça arrive assez vite, t'attends pas trop longtemps au niveau 80. Et ouais, c'est vrai, moi aussi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est le renouvellement dans le sens où tu vas pas affronter tout le temps le même boss, c'est tout le temps des joueurs différents, des configurations différentes dans les champs de bataille, et t'es toujours en train de t'adapter et essayer de trouver la meilleure solution pour battre l'équipe adverse. Voilà. Bah d'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les allianceux qui sont en face de nous. Ils s'adaptent, hein. Ils ont vraiment créé pas mal de gros gars bien équipés qui viennent maintenant nous casser la figure. Il y a des fois où on se fait rétamer sévère, hein, j'admets. Mais c'est vrai que voilà, tu peux arrêter. Moi, j'ai envie de faire une pause là avant l'enregistrement de maintenant. J'étais en PVP, j'ai dit bon bah j'arrête, j'ai un truc à faire. Voilà, j'ai déconnecté, je m'en fiche quoi. Je veux dire, c'est pas, on est vraiment libre. D'ailleurs, on a beaucoup plus de liberté dans notre guilde puisque les gens peuvent faire du PvE et du PvP comme ça leur chante, comme ça les chante, pardon. Comme ça les chante, ils font vraiment ce qu'ils veulent. On les oblige à rien, sauf des fois où vraiment on réquisitionne la guilde pour faire une expédition punitive. Ah bah, tu vois, à contrario, moi c'est marrant, mais j'aurais dit que le PVP était plus chronophage parce que à l'époque, quand j'en veux, c'est la grosse différence. C'est quand même en PVE, une fois que le boss est mort, tu n'as plus rien à faire, tu vois, tu vas pas t'arrêter pour jouer aux cartes. Alors qu'en PVP, quand le mec est mort, il revient en permanence, de toute façon. Je veux dire, en dehors des battlegrounds, bien sûr. Mais quand Oui. tu fais du PVP sauvage, c'est infini. Je sais pas comment toi tu fais pour aller te coucher. Moi, je me Bah, il y a un couchais à moment donné 17h. où on arrête, hein. Il y a un moment donné où on a dit, bah, on s'est bien amusé, où il y a peut-être même un ras-le-bol de la soirée, hein. On s'est tellement bien amusé, puis justement, ça évite que ça devienne rébarbatif. Quand on sent que ça devient chiant, bah, on arrête, on passe à autre chose. Il y en a qui se barrent faire du PVE, qui se cassent en BG ou quoi, et qui font autre chose. Mais Oh, moi, une fois que j'étais partie, c'était impossible de m'arrêter. Laisse tomber. la principale différence entre le PVP et PVE, le PVE, ça se finit que quand le boss il meurt, le PVP, ça se finit quand toi t'en as marre. Voilà. Voilà, c'est ça. Si toi t'en as marre mais que le boss n'est pas mort en PvE, bah tu vas te brosser, tu Voilà. restes là. Hein. Voilà, exactement. Et puis si tu pars en PvE, bah tu plantes 24 autres personnes, là tu pars en PvP, t'en fous, il y en a un autre qui te remplace, et voilà quoi. C'est pas toi qui va partir qui va impacter les autres en fait. T'es beaucoup Voilà. plus libre. Tu fais vraiment comme tu le sens, et en fait enfin, t'arrêtes le jeu quand t'en as marre et pas que t'es obligé de jouer parce qu'il faut dépanner, parce qu'il manque un heal dans la guilde, des choses comme ça. Bon, sauf si tu fais des raids PVP particuliers, mais il y a beaucoup moins de contraintes, je trouve, que le PvE. Ouais, Quelque par part, le contre, PVP, tu te fais plus plaisir, quoi. ouais. Voilà, par contre, justement, innover, hein, chercher des trucs, des endroits ou quoi faire pour innover au niveau du PVP sauvage, par exemple, parce que sinon vous allez aussi vous embêter. Au bout d'un moment, c'est comme tout, hein, tout devient monotone. Et éviter de justement, quand vous sentez que ça commence à pas aller bien, que vous engueulez avec des joueurs ou quoi, commencez, faites une pause, faites autre chose. Vous avez l'avantage en PVP de pouvoir vraiment arrêter quand vous voulez justement et vraiment sentez ça parce que sinon il y a le risque de devenir dégoûté du PVP parce que bah on en a trop fait. Donc moi j'évite ça justement en faisant des pauses. Ouais, ça tend très vite le PVP aussi. Moi Ouais. aussi, j'ai évité ça en faisant une grande pause. Ça fait 2 ans et demi que j'en ai pas fait. Voilà, ça c'est de la pause, dis donc. Bah en fait moi j'ai jamais trop fait PVP et là je découvre des sensations que j'avais oubliées en fait. Et non mais c'est vrai, c'est Comme que tu dis ça, il y a un excuse-moi. plaisir renouvelé à jouer à World of Warcraft avec du PVP en fait parce que c'est pas fixe et c'est tout le temps en constant mouvement Mais et c'est c'est ça qui ça. est génial. Bah, c'est ça. Hein. C'est moi, ça m'a vraiment renouvelé mon envie de jouer depuis maintenant 5-6 mois, hein, facile. C'est vraiment grâce à ça, parce qu'on a trouvé une nouvelle façon de jouer. Donc J'imagine que bon. quand je retournerai sur Kirin Tor, à mon avis, je pense que tu vas me convertir. Ah bah j'espère bien. Hein, on verra comment ça aura été quand tu reviens, mais espérons. Et puis d'ailleurs, les auditeurs, si vous voulez venir, hein, vous pouvez nous rejoindre dans la guilde côté Horde, même avec vos rôles, on accepte tout le monde, ça nous fait plaisir. Ou même côté Alliance, on nous fera des points d'honneur. Ouais, Hein. ce sera Allez-y. gentil. Ah, d'ailleurs, je crois qu'il y a quelqu'un qui est venu parce qu'il avait vu mon pseudo souvent à Hurlevent, d'ailleurs, un nouvel auditeur sur le forum. Par contre, donc voilà, pour ça, ce premier truc et astuce, c'était plus global qu'autre chose. Peut-être plus tard, justement, on se lancera dans des trucs un peu plus techniques. Je vous promets rien, je suis pas non plus, je suis pas un grand Manitou du PVP. Hein. C'est pas que j'en fais beaucoup, mais on essaiera d'un petit peu se centraliser sur des détails intéressants pour l'avenir. Ou peut-être même présenter les différents champs de bataille, parce qu'on a plusieurs maintenant, des objectifs tous différents, ils sont tous aussi intéressants les uns que les autres, pourquoi pas aussi revenir là-dessus. Ah, je ne suis pas d'accord, ils ne sont pas tous aussi intéressants les uns que les autres, mais nous n'allons pas polémiquer. Mais ça Non, fait nous 2 ans et demi aussi. que tu n'as pas joué quand même, Amandine. Oui, non, mais je Alors, je conforte veux quand dire même pas ce jouer qu'elle dit. sérieusement, mais il y en a Je certains qui conforte sont quand même. franchement. Je Ouais. conforte ce qu'elle dit, puisque allez pas à Altera quand on vous attendra des grandes bastons épiques comme c'était au temps de Vanilla. Puisque le premier mot que quelqu'un dit en canal BG, c'est Focus le boss, on s'en fout du reste. C'est ça. Hein. Ça dure 5-6 minutes, le temps d'y aller, le temps de poutrer le boss. C'est du PVPVE, comme on disait dans Voilà. Lyon. Exactement. Ouais. Donc juste pour finir sur le dossier truc astuce PVP, parce que c'est un dossier au final, c'est vrai qu'en fait jouer en PVP, ça vous permet justement de mieux maîtriser votre classe que vous pourrez le faire en PVE. Là où en PVE, vous allez utiliser que tout le temps les trois mêmes sorts, en PVP, vous allez utiliser l'intégralité pratiquement de vos sorts. Et justement, je trouve que ça contribue à améliorer votre maîtrise de votre classe et ça ne sera qu'au mieux en PVE. Ça améliore la maîtrise, ça améliore la réactivité, ça améliore pas mal de choses. Ça, c'est Voilà, clair. le PVP, donc c'est bon, mangez-en, comme dirait JP.